à quoi j'ai vraiment affaire avec ce compteur. Mais d'abord, je voudrais juste mettre 3 ou 4 petites choses au clair. Donc je ne suis ni à la solde des Anti-Linky, ni de Enedis, ni même d'un fabricant du compteur. Depuis toujours, l'électricité est distribuée selon un mode immuable, telle une rivière en un seul sens, des sites. Voici en gros plan la diode électroluminescente qui clignote avec une fréquence fonction de la puissance consommée, et juste à proximité de lui se trouve une mémoire flash de 2 mégaoctets prévue pour avoir une rétention de données de plus de 20 ans. Il s'en sert pour stocker les logs, c'est donc dans ce boîtier que sont périodiquement stockées nos mesures de consommation collectées en temps réel. Depuis les années 50, les usages de l'électricité se sont considérablement développés. Le compteur communicant Linky de Enedis est relativement controversé depuis son annonce officielle en 2015 et les premières installations en 2016. Et d'ailleurs, à titre d'information, voici un graphique que j'ai trouvé sur le site internet d'Enedis, et qui montre l'évolution du déploiement de ce compteur dans tout le pays. Alors le but de cet épisode est de faire une analyse concrète de son système électronique avec des explications à la clé pour comprendre en toute objectivité à quoi on a vraiment affaire et tenter de clarifier les choses pour nous autres usagers. Les infrastructures ont suivi cette évolution. Localement, seul le client peut nous informer. L'objectif est aujourd'hui d'améliorer la qualité et la fiabilité de la fourniture d'électricité en renforçant le pilotage du réseau local jusqu'au compteur du client. Nous informer. D'autres défis sont à venir. Premier défi, le développement rapide des énergies renouvelables. Le consommateur devient producteur d'électricité en s'équipant de panneaux solaires sur un réseau qui n'a pas été conçu pour ça. Avec plus de 100 000 nouvelles installations chaque année, c'est un équilibre de plus en plus complexe qu'il faut gérer localement. Peu prévisible. Le solaire ne produit de l'électricité qu'en plein jour, à des heures où les particuliers consomment peu, et pour cause, ils ne sont pas chez eux. Second défi, 2 millions de véhicules électriques sont attendus dans moins de 10 ans. Ce qui va changer la donne en termes d'équilibrage du réseau, la recharge électrique sera mobile et imprévisible. Le conducteur voudra recharger son véhicule en rentrant le soir, mais aussi au bureau, dans la rue, sur un parking ou même sur la route des vacances. Deux solutions s'offrent à nous. Soit renforcer le réseau pour gérer ses pics de consommation, mais au prix de nouvelles infrastructures très coûteuses, soit concevoir un réseau entièrement pilotable, conçu pour ça. Ce réseau entièrement pilotable, c'est le réseau intelligent conçu pour ça, aussi appelé Smart Grid, la combinaison d'équipements informatiques et électroniques pour piloter le réseau électrique, conçu pour ça. L'élément essentiel à ce système, c'est votre compteur électrique qui devient communicant, conçu pour ça. Grâce au Smart Grid, on pourra détecter une surtension liée à une trop forte production et y apporter immédiatement la meilleure solution. On pourra détecter, soit en activant le fonctionnement d'appareils électriques, votre chauffe-eau par exemple, on pourra détecter, soit en passant un ordre de stockage à la batterie de votre véhicule électrique, on pourra détecter. En cas de sous-tension, ce même compteur donnera un signal de réduction temporaire des consommations du client. On pourra détecter. Parallèlement, lors d'un pic de consommation, votre fournisseur pourra vous alerter et vous inviter à éteindre certains équipements. Client. Au niveau du câblage, j'ai relié les bornes phase et neutre côté fournisseur à l'arrivée du courant dans mon labo puisque c'est comme ça que s'installe le compteur. Les bornes phase prime et neutre prime côté client sont-elles reliées à une charge qui, en l'occurrence, pour les besoins du test, est ce chauffage mobile de 2000 watts max à puissance graduelle. Je vais utiliser ma pince ampérimétrique pour mesurer la consommation. Le câble de phase est entre ses mâchoires. Aucune charge n'est encore utilisée, donc la puissance apparente est nulle. Alors je refais maintenant le test en utilisant cette fois une sonde de courant branchée sur mon oscilloscope. La voici, ce qui nous permettra d'avoir des valeurs plus précises et plus visuelles. Et à vide, on peut donc constater que le Linky consomme environ 70 mAh, c'est un petit peu plus que ce que j'avais imaginé. Cette nouvelle technologie dessine le profil des réseaux de demain. En France, ce sont 35 millions de compteurs communicants qui permettront de gérer cet équilibre entre les productions et les consommations. Un réseau piloté au service de tous, capable d'intégrer et d'accompagner nos usages actuels et futurs de l'électricité. Bref, voici en vrac tout ce que je peux dire de façon factuelle basée sur mes résultats. Il remplit le rôle d'un compteur électrique muni d'un disjoncteur mais qui ne prend pas en compte la fonction AGCP, appareil général de coupure principale, dont il ne remplace pas le disjoncteur différentiel. Il mesure précisément la quantité de courant consommé qui passe par lui, il la stocke dans sa mémoire et la communique une fois par jour entre minuit et 6h du matin à un concentrateur Enedis distant via le courant porteur en ligne. Par contre, je constate que la position du champ de mesure est en amont du circuit, donc techniquement, ça voudrait dire que le calcul de la consommation globale inclut la consommation propre du Linky. C'est donc à confirmer. Il reçoit des commandes ou requêtes distantes via le courant porteur en ligne et renvoie en retour les résultats. Il est donc communicant dans les deux sens, et c'est aussi par ce bien-là que son firmware est mis à jour pour faire évoluer son logiciel. Il n'est programmable que par CPL ou localement avec un appareil mobile spécifique propriété d'Enedis. Il est en mesure d'avertir immédiatement Enedis en cas de coupure de courant ou de tentative d'ouverture du cache-borne plombé pour éviter d'éventuelles fraudes. Il n'y a que la ligne fournisseur qui est utilisée pour transporter les données numériques cryptées, aucun signal n'est transporté volontairement à travers la ligne client. Un Linky peut aussi être collectant et servir de répéteur pour amplifier et relayer des Linky voisins situés un peu trop loin du concentrateur. En revanche, ce que je n'ai pas pu mesurer, c'est la fréquence du trafic entre le Linky et son concentrateur puisqu'il n'était pas synchronisé, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. La seule hypothèse que je peux émettre, c'est que ce trafic ne doit pas être négligeable dans la mesure où il y a nécessité de surveiller ce réseau en grappe de tous les Linky. Techniquement, il me paraît évident qu'ils sont tous consultés plusieurs fois par minute, et si c'est le cas, ça doit engendrer quand même beaucoup de trafic sur CPL.